Alaska. Prochain train. Okay. Merde. d'accord. Thank you. Allez Tom, Tim et Tom. Tim, Tom, Tom, Tim. Elle a les yeux, on dirait Marc Lavoine. Na na na na na. T'es où? Il était où le brillant? Thank you. Thank you.